Tintin. Salut à tous et à toutes ces générations manga. Aujourd'hui, une spéciale Chevalier du Zodiac. Parce que j'ai lu sur certains forums, certains se posaient la question et recherchaient désespérément s'il en est les musiques extraits du 33 tours des Chevaliers du Zodiac. Parce que vous savez qu'à l'époque, il y a eu un 33 tours qui était aussi bien sûr en cassette et aussi en CD. Donc c'est le CD qu'on va s'écouter. En tant qu'à faire, on va faire ça là, avec la meilleure qualité de son possible. Grande déception de l'époque, c'est que ce n'était point Bernard Minet qui interprétait les chansons, mais Serge Maille, un obscur familier d'Azoulay. Voilà, je crois que son beau-frère ou un truc dans le genre. Et donc, au cours de cet album des Chevaliers du Zodiac, nous allons pouvoir ainsi découvrir 12 chansons. Dont une seule est très connue et les autres ne sont de fait pas du tout. Elles étaient d'abord sorties, il y en avait trois d'entre elles qui étaient sur la cassette audio, qui là pour le coup était bien chantée par Bernard Minet. Il y en a une encore qui était sur la face B de la deuxième chanson, la chanson des Chevaliers, hein, l'aventure est sur ton chemin, voilà. Et aussi par Minet avec une petite variante. Et puis tout le reste, c'était que comme ça, et que via Serge Maille. Alors je propose qu'on commence tout de suite, sans plus attendre, sans plus tarder, immédiatement. Genre tout de suite là maintenant. Donc avec la toute première chanson qui s'appelle L'Invincible Seiyar. Tremblez montagne, frémissez verte campagne. Chantez, chantez à la gloire de l'invincible Seiyar. Fuyez image, tempête comme même orage. Lorsque s'en vont à l'attaque les chevaliers du Zodiac. Lorsque Seiyar part au combat, personne ne peut lui résister. Et toujours il triomphera, c'est le plus grand des chevaliers. Tremblez montagnes, frémissez verte campagne. Chantez, chantez à la gloire de l'invincible Seiyar. Fuyez image, tempête comme même orage. Lorsque s'en vont à l'attaque les chevaliers du Zodiac. Il est si fier et courageux, jamais son bras ne tremblera. Sa gloire monte jusque aux cieux, le grand Seiyar toujours vaincra. Fuyez image, tempête comme même orage. Lorsque s'en vont à l'attaque les chevaliers du Zodiac. Tremblez montagne, frémissez vaste campagne. Chantez, chantez à la gloire de l'invincible Seiyar. Fuyez image. Eh oui, vous savez, comme c'est coutume chez AB, souvent on reprend des trucs et puis on refait d'autres chansons avec. Ça vous a peut-être un petit peu rappelé Shurato. Voilà, ça ressemble un petit peu à Shurato. Shurato a un peu été repompé dessus. Pas complètement, mais quelques intonations, quelques trucs par-ci par-là. On sent un petit peu de Shurato dans cet invincible Seiyar. Voilà. Ensuite, après la plage 1, il y a donc la plage 2. Ouais, c'est bien, il y en a 3 qui suivent. Et sur cette deuxième plage, nous avons la merveilleuse chanson de Chevalier du Dragon. Eh oui, Chevalier du Dragon. Alors bon, on pourrait se dire, ouais, d'accord, j'ai compris le truc. Il y a une chanson pour chaque chevalier de bronze, c'est ça? Eh ben non. Non, il n'y a que Seiya et Shiryu qui ont droit à ça. Les autres, ils n'ont pas droit à leur chanson. Eh, va comprendre. Chevalier du Dragon, plage 2. Chevalier du Dragon, chevalier du dragon, à l'arme invincible, tu fais trembler les félons d'une frayeur terrible. Car tu as tout au fond de ton cœur tant de courage et d'ardeur que personne ne peut te résister. Tu défends la liberté. Ça envoie du bois, non ? Chevalier du dragon ! On pourra peut-être faire un petit concours à la fin de l'émission pour savoir laquelle vous préférez dans toutes ces chansons. Moi, j'aime bien l'Invincible Seiya. Après, vous allez découvrir maintenant la troisième plage, à savoir le combat des héros. Eh oui, allez, hop, on y va en route pour l'aventure. Allez, le combat des héros, c'est parti. Trompette résonnée bien haut, tambour marteler le tempo. Il viendra le monde nouveau, voilà le combat des héros. Ils ont l'âme pleine de vaillance, ils sont tous prêts sans défaillance à se battre pour que le plus fort gagne l'armure d'or. Tous les chevaliers du zodiaque sont prêts à partir à l'attaque pour défendre sans hésiter amour, justice et liberté. Tous les héros de l'univers contre les forces de l'enfer se préparent pour le combat dont seul le meilleur triomphera. L'éclat de leur combat glorieux, ils ont tous au fond de leur cœur du courage, de l'ardeur. Ils n'ont peur de rien, de personne, et quand l'heure du combat sonne, ils n'ont même pas peur de la mort pour gagner l'armure d'or. Tous les chevaliers du zodiaque sont prêts à partir à l'attaque pour défendre sans hésiter amour, justice et liberté. Tous

sera. Voilà, voilà. Alors, on est sous le signe du zodiaque, hein, c'est ça? Je ne suis plus. Alors maintenant, c'est la cinquième plage, la cinquième roue du carrosse. En marchant, nanananananana. Bon, c'est en marchant. Hein. Vous verrez que pour les titres des chansons, en général, on se foule pas trop. On prend simplement une parole de la chanson. Hein. Allez, en marchant, c'est parti. Est-ce que je me suis trompé? Je me suis trompé? Ah, je vous ai passé deux fois la même, c'est ça, hein? Je me disais aussi, on n'y est pas du tout là, je vous ai passé deux fois la même. Ah bah bravo. Je me disais aussi, mais c'est bizarre, je l'ai entendu pas longtemps. Bon, autant pour moi, mais à coup de pas, c'est à cause de ce lecteur là qui enchaîne pas les plages. Bon, donc là c'est sous le signe du zodiaque, voilà. Ah, donc la 4, j'ai mis deux fois la même. Quel idiot. C'est parti. Le signe du zodiaque, le grand parti sans hésiter. Ils savent qu'ils vont combattre pour défendre l'humanité. Ils ont tous au fond de leur cœur tant de courage, de force et d'ardeur que rien non rien ne pourra jamais leur résister. Sous le signe du zodiaque, ils sont prêts à tout donner, même si leur vie est le prix qu'il faut payer. Sous le signe du zodiaque, rien ne peut leur résister. Ils triompheront quels que soient les dangers. Le signe du zodiaque, le grand combat a commencé. Sous la mitraille qui claque, les héros se sont dressés. Tremblez, échant dans vos repères, tremblez, ennemis de la terre, car rien non rien ne pourra jamais leur résister. Sous le signe du zodiaque, ils sont prêts à tout donner, même si leur vie est le prix qu'il faut payer. Sous le signe du zodiaque, rien ne peut leur résister. Ils triompheront quels que soient les dangers. Les chevaliers balayent, les chevaliers balayent, les chevaliers balayent. Les chevaliers balayent, les chevaliers balayent, les chevaliers balayent, balayent. Sous le signe du zodiaque, ils sont prêts à tout donner, même si leur vie est le prix qu'il faut payer. Sous le signe du zodiaque, rien ne peut leur résister. Ils triompheront quel que soit les dangers. Sous le signe du zodiaque, ils sont prêts à tout donner, même si leur vie est le prix qu'il faut payer. Sous le signe du zodiaque, rien ne peut leur résister. Ils triompheront quels que soient les dangers. Donc je vous ai fait un peu les chevaliers, c'est ça qu'il y a sur la version de Minet. Et donc comme je le disais tout à l'heure, nous allons vers la cinquième en marchant. En marchant sur les chemins de la gloire, en marchant, chevalier de la victoire, votre chanson monte vers les cieux, votre chanson monte vers les cieux. en marchant au rythme de vos combats. En marchant, chantez votre hymne de joie. Il est comme vous, fier et glorieux. Il est comme vous, fier et glorieux. En marchant, nous serons à vos côtés pour entourer le chant des vainqueurs. Pour entourer le chant des vainqueurs. En marchant vers de si lointaines terres. En marchant vers de si cruelles guerres. Votre chanson nous remplit d'espoir. Votre chanson nous remplit d'espoir. Lorsque la victoire un beau jour enfin viendra, votre chanson d'espoir, tout le monde la chantera. En marchant sur les chemins de la gloire, en marchant chevalier de la victoire, votre chanson monte vers les cieux. Votre chanson monte vers les cieux. En marchant au rythme de vos combats, en marchant, chantez votre hymne de joie. Il est comme vous, fier et glorieux. Il est comme vous, fier et glorieux. Allez, on continue donc notre rétrospective de l'album 33 Tours avec la sixième chanson qui est Chevalier au grand cœur. Chevalier au grand cœur, si grande est votre ardeur que toujours vous serez vainqueur. Chevalier de l'espoir, au moment les plus noirs, vous saurez vous remplir de gloire. Chevalier du savoir, vous avez le pouvoir de toujours emporter victoire. Car votre destin est toujours de gagner, en dépit de tous les dangers. Oui, votre destin est de faire triompher la justice et la liberté. Chevalier sans reproche, quand le danger s'approche, tu te bats toujours avec force. Chevalier de lumière, héros de l'univers, toujours prêt à partir en guerre. Chevalier du futur, quelle que soit l'aventure, vous gardez toujours la même vue. Car votre destin est toujours de gagner, en dépit de tous les dangers. Oui, votre destin est de faire triompher la justice, la liberté. Ça fait un peu Académie des Ninjas à ce moment-là. Hein. C'est pas ma préférée celle-là. Hein. Chevalier au grand cœur, si grande est votre ardeur, que toujours vous serez vainqueur. Chevalier de l'espoir, aux moments les plus noirs, vous saurez vous couvrir de gloire. Chevalier du savoir, vous avez le toujours emporter victoire. Car votre destin est toujours de gagner, en dépit de tous les dangers. Oui, votre destin est de faire triompher la justice, la liberté. Un jour viendra où pourtant règnera la paix. Et partir en guerre. Chevalier du futur, quelle que soit l'aventure, vous gardez toujours l'âme pure. Car votre destin est toujours de gagner, en dépit de tous les dangers. Oui, votre destin est de faire triompher la justice, la liberté. La justice, la liberté. La justice, la liberté. Celle-là, je l'aime pas du tout, en fait. Je crois que je préfère largement la suivante, Chevalier en avant, la septième. Chevalier en avant, il est venu le moment de partir tous ensemble au combat, le cœur plein de joie. Chevalier en avant, partez fièrement pour défendre la liberté, le bonheur de l'humanité. Quels que soient tous les dangers, ensemble vous triompherez. Chevalier en avant, dressez fier le cœur vaillant. Il est arrivé le jour de gloire, comme dans vos espoirs. Chevalier en avant, et même si c'est votre sang qui est le prix de la victoire, vous ferez tous votre devoir. Car l'honneur est plus important que la vie pour un cœur vaillant. Vaincre ou mourir, triompher ou périr, c'est la vie d'un chevalier. Sans hésiter, savoir tout sacrifier pour la liberté. Chevalier en avant, il est venu le moment de partir tous ensemble au combat, le cœur plein de joie. Chevalier en avant, partez fièrement pour défendre la liberté, le bonheur de l'humanité. Quels que soient tous les dangers, ensemble vous triompherez. Qui est le prix de la victoire, vous ferez tous votre devoir. Car l'honneur est plus important que la vie pour un cœur vaillant. Oh, c'est déjà un petit peu mieux, hein. Bon. Je vous ferai grâce donc de la suivante, la huitième, que vous connaissez très bien puisque c'est la chanson des chevaliers. On la fera peut-être à la fin si on a encore le temps. Et donc la neuvième, c'est donc Fier et vaillant chevalier, donc une de celles qui avait été chantée à l'origine par Minet sur la fameuse cassette. Des quatre coins de l'univers, sans hésiter ils partent en guerre. Conquérants aux limites du courage, ils s'en vont vers la victoire. Ils n'ont jamais peur de personne, et lorsque l'heure du combat sonne, ils sont toujours prêts et rien ne les effraie. Leur obsession c'est de gagner. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Les chevaliers du zodiaque, à l'heure de la victoire, gardent toujours l'espoir de sauver la liberté. glaçant. Quand le danger est oppressant, ils vont au combat, le cœur rempli d'espoir. Même lorsque tout est noir, rien ne pourra les arrêter. Pour nous rendre l'amitié, car ils ont dans le cœur toute la hargne des vainqueurs, fiers et vaillants défenseurs. Au fond de leur cœur, le courage des vainqueurs, les chevaliers du zodiaque, à l'heure de la victoire, gardent toujours l'espoir de sauver la liberté. Les chevaliers du zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Garde toujours l'espoir de sauver la liberté. Les chevaliers du zodiaque, contre les forces démoniaques, gardent au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Allez, l'hymne des chevaliers, celle-là aussi a été reprise par Minet, enfin reprise de Minet. Et donc, c'est la plage 10. Comme des conquérants jusqu'aux limites du courage, comme des combattants au fond du cœur, ils ont la rage de gagner même s'il fallait pour cela tout sacrifier. Car l'enjeu du combat c'est l'amitié, de donner sans hésiter leur vie pour la liberté, pour que sur l'univers règne la paix. Chevaliers du zodiaque, les allez à l'attaque avec au fond de votre cœur la hargne des vainqueurs. Chevaliers du zodiaque, les forces démoniaques, vous saurez les vaincre à jamais, à jamais. Rien ne pourra jamais dans l'univers les arrêter, car ils ont dans le cœur tout ce qu'il faut pour triompher. Conquérants de l'infini, héros de la galaxie, chevaliers du courage et de l'espoir, fiers et vaillants défenseurs du courage et de l'honneur, vos noms seront gardés dans nos mémoires. Chevaliers du zodiaque, vous allez à l'attaque avec au fond de votre cœur la hargne des vainqueurs. Chevaliers du zodiaque, les forces démoniaques, vous saurez les vaincre à jamais, à jamais. Chevaliers du zodiaque, vous allez à l'attaque avec au fond de votre cœur la hargne des vainqueurs. Chevaliers du zodiaque, les forces démoniaques, vous saurez les vaincre à jamais, à jamais. Chevaliers du zodiaque, vous allez à l'attaque avec au fond de votre cœur la hargne des vainqueurs. Allez, on est dans la dernière ligne droite de ce 33 tours CD, cassette, tout ce que vous voulez, Chevalier du Zodiaque, avec la 11e plage, donc l'avant-dernière, le tourbillon des héros. Eh oui, le tourbillon des héros, c'est ça. Épées dans la nuit, la nuit. La rumeur d'un combat sans merci, sans merci. Le souffle court d'un vrai chevalier, chevalier. Qui de toutes ses forces veut triompher, triompher. C'est le tourbillon des héros, de ceux qui ont dans le cœur la rage qui fait les vainqueurs. C'est le tourbillon des héros, de ceux ceux qui jour et nuit se battent pour l'infini. Je vous parie de la victoire. Na na na na na na na. Na na na. Chevalier de la gloire, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Le bruit des boucliers qui sonne, qui sonne. Le cri des vaincus qui résonne, qui résonne. La peur qui se lit dans les yeux, dans les yeux. Le sourire enfin victorieux, victorieux. C'est le tourbillon des héros, de ceux qui ont dans le cœur la rage qui fait les vainqueurs. C'est le tourbillon des héros, de tous ceux qui jour et nuit se battent pour l'infini. Les chevaliers de l'espoir. Na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na. Les héros de l'univers. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ça me dit quelque chose cette musique là, pas vous? Chevalier de la victoire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Les chevaliers de la gloire. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Je compte sur votre sagacité si vous trouvez. 12e et dernière chanson pour bien terminer ce CD. Donc, quand sonnera la victoire ? Nanananananana. Encore ? Allez, quand sonnera la victoire ? Quand sonnera la victoire, quand les armes se tairont, les chevaliers de la gloire enfin se reposeront. Quand régneront sur la terre la paix et la liberté, les héros de l'univers pourront enfin triompher. Pour cela à tout donner, à tout sacrifier, quels que soient les dangers, ils sont prêts à tous les affronter. Quand sonnera la victoire, massacrera les chevaliers de l'espoir, auront le cœur plein de joie. Quand c'est grâce à leur courage, à leur invincible ardeur, qu'ils auront vaincu la rage des ennemis de la terre. Pour cela ils sont prêts à tout donner, à tout sacrifier, quels que soient les dangers, ils sont prêts à tous les affronter. Chantons, chantons ensemble, chantons en leur honneur. Cette tête qui nous ressemble, la chanson des vainqueurs. Quand sonnera la victoire, quand les armes se tairont, des chevaliers de l'espoir enfin se reposeront. Quand régneront sur la terre la paix et la liberté, les héros de l'univers pourront enfin triompher. Quand sonnera la victoire, quand les armes seront, les chevaliers de l'espoir auront le cœur plein de joie. Car c'est grâce à leur courage, à leur invincible ardeur, qu'ils auront vaincu la rage des ennemis de la terre. Et ben voilà, on a fait le tour du CD. Donc, comme je l'ai sauté tout à l'heure, on va vous la mettre maintenant. Bah oui, la plage 8. Donc, comme ça, vous la découvrirez, interprétée par Serge Maille. C'est parti. Je vous fais pas le topo, hein. C'est la chanson des Chevaliers. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main, en chantant ce petit refrain, en avant, chevalier. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion, et surtout chante la chanson, des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant, n'oublie jamais la liberté. Garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. L'ennemi se fait pressant, quand le danger est oppressant, va-t'en au combat en chantant, en avant chevalier. Car tout au bout de tes espoirs, tu sais qu'il y a la victoire, et qu'on chantera à ta gloire la chanson des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant, n'oublie jamais la liberté. Garde l'espoir quand tout est noir, puisque tu es un chevalier. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main, en chantant ce petit refrain, en avant chevalier. Garde tes yeux sur l'horizon, fais ton devoir avec passion, et surtout chante la chanson, la chanson des chevaliers. L'aventure est sur ton chemin, il suffit de tendre ta main, en chantant ce petit refrain, en avant les chevaliers. Et oui, parce qu'à l'époque, la chanson, elle se terminait pas brut. Et puis, il disait quand il y a de la victoire, qui n'était pas très français. Hein. Donc, Minet a fait la même. Hein. Il chantait aussi Gagui de la victoire. Et puis après, il l'a refaite comme il faut, en disant il y a la victoire. Ce qui est quand même mieux. Alors, vous me direz, bah alors du coup, il manque quand même la chanson number one sur ce CD. Eh oui, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Mais elle existe quand même, version Serge Maille. Eh bien oui, parce que vous savez qu'à Génération Manga, on a tout. Ha ha ! Alors, préparez-vous à ce que je vous impressionne quelque peu. La version Chevalier Zodiac, la première, par Serge Maille, ça existe aussi. C'est pas sur le CD, ça se trouve sur une cassette audio de cover. Donc, c'est la même musique, mais pas le même chanteur, comme d'habitude. Alors, voilà, voilà pour vous, les Chevaliers du Zodiac à queue, par Serge Maille. Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Ils n'ont jamais peur de personne et rien ne les effraie. Et lorsque l'heure du combat sonne, tous ils sont toujours prêts. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Et quand un jour viendra enfin l'heure de la victoire, au royaume de tous les saints, on chantera leur gloire. Chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Les chevaliers du zodiaque bon, alors voilà, c'est comme... oui, oui, ça va, on va pas non plus la faire 50 fois, merci. c'est une spéciale chevalier zodiaque, on va terminer l'émission par des covers, donc des bien moches versions par Gilles Pellegrini sans orchestre ou encore les Petits Clous. Alors vous allez voir un petit peu ce que ça donne quand c'est des fausses versions, parce que là pour le coup c'est vraiment hein, des trucs de marché aux puces ou des trucs comme ça où on trouve ces CDs indignes, n'est-ce pas? Alors regardez un petit peu ce que ça donne quand c'est c'est orchestré, c'est rechanté, c'est les chevaliers zodiaques. T'as vu comme c'est moche ça, donc c'est la version Pellegrini ça. Allez, maintenant on va s'écouter la version des Petits Clous. On va se passer ça. Hein. Alors, une autre petite curiosité qu'on peut s'écouter, c'est la version espagnole des Chevaliers du Zodiac. Écoutez-moi ça. Los guardianes del universo al triunfar el mal sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, Juan canción, la canción de los errores. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los errores. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Et oui, hein, parce qu'on a vendu, c'est les Français qui ont vendu la série aux Espagnols. Donc du coup, ils l'ont vendu avec leur générique. Donc du coup, ils ont repris. Les Espagnols, ils sont pas têtus. Hein. Ils reprennent le générique qu'on leur donne et puis ils le font en espagnol. Donc quand ils récupèrent le truc japonais, ça va. Et quand ils récupèrent le truc français, bah voilà, ça donne des trucs comme ça. Et oui, oui, c'est... Oui, je sais. Alors, on va rester un petit peu dans le domaine Chevalier du Zodiaque, tout en faisant des trucs qui sont un petit peu éloignés. Si toutefois j'y arrive, parce que je constate avec effroi que je n'ai pas sur moi les chansons que je veux passer, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va pas le faire. Oui, alors, donc c'était les successeurs des Chevaliers du Zodiac au Club Dorothée, enfin même ça passait un peu en même temps. C'était les Samouraïs de l'Éternel, et oui bien sûr, chanté par Bernard Minet, les Samouraïs de l'Éternel. Ils sont cinq pour défendre la terre. Ils n'ont pour cela que leur courage. Il est inscrit sur chaque trait de leur visage. On les appelle les samouraïs de l'Éternel. Les samouraïs de l'Éternel, héros venus du ciel, combattent sans trembler. Les samouraïs de l'Éternel, pour l'amour immortel, sont prêts à tout donner. Un jour viendra, où enfin grâce à eux, la paix triomphera, le monde sera heureux. Et ce jour-là, de la terre aux étoiles, partout on bénira le nom des samouraïs. Les samouraïs. Les samouraïs de l'Éternel. Les samouraïs de l'Éternel ont au fond de leur cœur une invincible ardeur pour défendre l'humanité et sauver à jamais l'amour et la liberté. Quoi qu'il advienne, ils sauront à jamais de la peur, de la haine, sauver l'humanité. Et tous en cœur, ils se battront sans fin pour donner le bonheur aux enfants des humains. Les samouraïs de l'Éternel, héros venus du ciel, combattent sans trembler. Les samouraïs de l'Éternel, pour l'amour immortel, sont prêts à tout donner. Les samouraïs de l'Éternel ont au fond de leur cœur une invincible ardeur pour défendre l'humanité et sauver à jamais l'amour et la liberté. Voilà, les samouraïs de l'Éternel, et puis bien sûr les autres qui ont voulu reprendre tout en cœur les chevaliers, la suite des chevaliers zodiaques, c'est bien sûr Churato. Gardien de la liberté, défenseur de l'amitié, il est le roi des lions. Churato est son nom. Tremble le mal, démon sauve-toi. Pour son idéal, Churato vaincra. Forces immondes, votre jour viendra. Surgissant de l'ombre, Churato vaincra. Quel que soit votre nombre, Churato vaincra. Et malheureusement qu'il n'existe qu'en version courte. Alors peut-être qu'il y a une version longue chez AB, auquel cas je vous incite à liker la page pour qu'un CD d'AB sorte avec tous les génériques, y compris les inédits. Il est possible qu'il y ait une version longue qui traîne dans les tiroirs d'AB. J'aimerais trop parce que j'aime vraiment cette chanson et c'est sûr que 57 secondes, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai 8 secondes pour vous dire que là-bas au bout, c'est de la dynamite. Bon voilà. Open up your wings. Et oui, vous savez que... les Chevaliers Zodiac ont eu une nouvelle chanson lors de la diffusion des épisodes d'Hadès, une chanson en anglais, mais faite néanmoins par AB Productions, a priori. Open up your rings, enfin là-bas. Et donc, c'est ça que je vais essayer de vous passer si j'arrive à retomber dessus. Oui, non, c'est pas comme ça en fait que je vais l'avoir. Et oui, parce que je ne l'ai pas sur moi, honte à moi, mais vous ne la connaissez pas sur vous, honte à vous. Mais je vais vous la trouver, vous inquiétez pas, hein, y a pas de souci. Et on se quittera donc avec ça et on se retrouvera la semaine prochaine. Et ça sera pas un Arsnarf Nigo comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que ceux qui se demandaient ce que ça donnait les chansons donc de ce CD des Chevaliers du Zodiac sont pas déçus. Et un peu peut-être, ouais, je sais. Elles sont pas toutes bien. Hein. Bah, c'était du vite fait mal fait, hein, vous savez, hein, c'est Madina B, hein, on a l'habitude. Et puis voilà. Donc, open up your wings, sensei, nanana. Je vais la retrouver, Et puis, que vous dire d'autre, que vous raconter d'autre en attendant. La voilà. Open up your wings. Et attention, la version longue, s'il vous plaît. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Et ça sera pas à l'Arsnarf Nigo. Et voilà. Ça va démarrer, vous inquiétez pas. D'accord, on m'a coupé le son. Si on me coupe le son, forcément ça marche pas. C'est parti. He was young when he went to Greece, in the tracks of Madden. He fought hard at the men of war. Brave a lie to happy now and forever. He promised her loyalty. How the token no face to her. That feeling grew up stronger. With the help of Pegasus, be ready to take up the challenge. Sensei. Forever against the enemies. With the help of Pegasus, be ready to take up the challenge. Sensei.